Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing. Someday you'll join us, and the world will live as one. Le dernier hommage du mois de janvier à ce qui s'est passé en France. C'est Imagine, encore une fois, extrait de l'album, une cover de Lennon, vous avez bien compris, extrait de l'album Day After Yesterday, en 2005, par Monsieur Rick Springfield, une idole des années 80 que j'aimais énormément et qui chante encore, et c'est tant mieux. Bonsoir à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four, la saga numéro 242. J'espère que vous allez bien et que tout va très très bien se passer entre nous, entre 20h et 22h, puisque l'album de la semaine, écoutez bien, c'est Abbey Road, et seulement cette radio vous diffusera l'intégralité du medley d'Abbey Road. L'intégralité sans coupure du medley d'Abbey Road en fin d'émission. C'est pour ça que nous ne passerons que 24 chansons en comptant le medley, mais ce sera bien et ça nous occupera pendant 2 heures. Il y aura, pour les Beatles, allez, on va dire quand même une partie de ce qu'on va entendre. Il y aura Come Together, il y aura Something, il y aura I Want You, She's So Heavy, incontournable. Octopus's Garden, parce qu'il était normal de rendre hommage aussi au talent de Ringo Starr, mais oui. Et puis Here Comes the Sun. Et enfin, le medley à partir de Because jusqu'à The End. J'en frémis d'avance tellement ça me remplit de joie à l'idée de vous passer ce medley. Pour McCartney, il y aura par exemple Backwoods Traveler avec Cufflink ensemble sur l'album London Town de 1978. J'aime beaucoup ce passage. Pour John Lennon, ce sera Rock and Roll People avec, si je me souviens bien quand j'ai programmé ça, une petite surprise pour mes amis américains. Il y aura également George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, et Ringo Starr, la chanson que j'ai découverte il y a très peu de temps, qui date donc de la bande originale du film Curly Sue, sorti en 1991. La chanson s'appelle You Never Know, et on l'écoutera ce soir dans la saga des Fab Four. Bienvenue à tous, réglez vos vos montres, régler vos speakers sur à fond, parce que c'est la Ségale et Fab Four. Et on va en parler sur Facebook, sur le groupe La Ségale et Fab Four, ou sur Maca Club, et sur le groupe La Ségale et Fab Four aussi. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Alors c'est parti. Voici le premier titre de ce fantastique album de 1969 qui s'appelle Abbey Road. Le premier titre, c'est Come Together, John Lennon et les Beatles sur RIG. Que j'aime cette chanson et dire que de façon évidemment on peut toujours réécrire l'histoire, mais à l'origine, j'allais dire de façon prémonitoire presque, au début John Lennon ne dit pas seulement shoot, il dit shoot me, Shoot Me. Et le réalisateur a enlevé le Me, ça faisait plus joli, Shoot, Shoot. Et voilà. Enfin bon, allez, voici le deuxième titre et c'est un morceau que j'aime énormément. Paul McCartney, extrait de l'album London Town et Backwards Traveler, suivi de Cufflink sur RIG. Je fais de la radio depuis 1984 et je suis à peu près certain que Cufflink, l'instrumental que vous avez entendu derrière moi, m'a servi de générique à un moment donné ou à un autre pour une émission. C'était pas la saga des Fab Four, c'était je ne sais plus quoi, parce que en plus de 30 ans on a le temps de faire pas mal de choses, mais c'était bien en tout cas. J'avais dit que je réserverais une petite surprise à mes amis américains. Eh bien, d'abord j'envoie le bonjour à Lovely Rita, qui est l'anglaise, celle qui habite à Londres et qui s'occupe du Beatles Magazine tous les jours, 7 jours sur 7, 366 jours par an, puisqu'elle compte aussi le 29 février à chaque fois. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, allez sur Beatles Magazine, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur Google, c'est sur plein d'autres formes de réseaux sociaux, et c'est absolument génial parce qu'on sait tout sur les Beatles, sur les copains des Beatles, et sur les animateurs radio qui font des émissions sur les Beatles aux États-Unis, comme mon ami Michael Honorato pour Beatles Tonight. Mais plein d'endroits aux États-Unis, au Québec, il y en a un Dublin, il y en a en Chine ou au Japon, je ne sais plus, c'est assez marrant d'ailleurs, j'avais essayé d'écouter une fois. Donc n'oubliez pas, Beatles Magazine, Lovely Rita et Michael Honorato, voici ce qu'il m'a fait comme cadeau dans la semaine. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight and I'm listening to La Saga des Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Thanks a lot, Michael Honorato. You're a very good friend. sommes en 1986. L'album s'appelle Main Love Avenue, du nom de l'avenue de Liverpool où John a passé son enfance chez sa fameuse tante Mimi, et propose 10 enregistrements des années 73 à 75, une période que Lennon qualifiera plus tard de Lost Weekend, grand quand même, hein, entre 73 et 75, et durant laquelle il vécut séparé de Yoko Ono, tout en renouant avec ses frasques adolescentes en compagnie de quelques pochetrons notoires, au rang desquels on retrouve parmi les inénarrables Harry Nilsson et Keith Moon. Entre deux séances de beuverie et d'excès en tout genre, John a tout de même gravé deux disques, l'intéressant Walls and Bridges et le célèbre Rock and Roll, recueil de standards du rock américain des 50s, en partie enregistré sous la houlette du producteur Phil Spector, déjà très sérieusement déjanté. Une moitié de l'album est composée d'authentiques inédits issus de ses sessions épiques. Il s'ouvre ainsi sur une assez franche réussite, Here We Go Again, unique composition co-signée Lennon Spector, qui ne manque pas de souffle, même si on peut en regretter les arrangements pesants, comme en pâtissent également les reprises de Angel Baby, Since My Baby Left Me et To Know Her Is To Love Her. Seul échappe à cette dégoulinante chantilly spectorienne, Rock and Roll People, un tonique et basique rock and boogie que Lennon avait auparavant composé pour Johnny Winter et qu'il a ici produit seul et au carré. C'est bien Lennon. Et voici maintenant George Harrison sur RIG et Give Me Love, Give Me Peace on Earth, toujours d'actualité. Love.

sign in the shop window. Why says the junk in the yard? Quelle belle voix. C'est extrait du premier album solo de Paul McCartney post-Beatles en 1970. L'album s'appelle McCartney, tout simplement. My intuition, it takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed an old suspicion. It's good to be alive. I'm deep down and out and lose communication with nothing left to say. It's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Intuition takes me anywhere. Takes me anywhere. Alright. Sur l'album Mind Games, c'est un Lennon plutôt de bonne humeur qui loue sa capacité supposée à voir le bon côté des choses et nous suggère que nous n'aurions pas entièrement tort de suivre son exemple. Et ben, cette chanson est plutôt jolie, plutôt entraînante et plutôt bien agréable. Là, je sais qu'à ce moment-ci de la saga des Fab Four, je vais faire ultra plaisir à un copain que j'ai rencontré une fois à Paris devant les studios d'une grande radio d'Europe 1. J'aime bien cette station. Alors, s'il faut que j'en dise deux autres, je vais j'allais dire RMC France Inter au hasard, mais donc on a fait un petit truc sympa, on s'est pris en photo Rook, JP et moi-même devant le studio, c'était sympa. Oui, si vous voulez mettre la photo sur Facebook, ça m'est égal, je veux bien. Et donc c'est pour lui faire plaisir que j'ai programmé cette chanson. C'est la pédale Wawa et non pas le chien qui fait Wawa. C'est George Harrison sur RIG. Montez le son parce que là il y a un mur de son et c'est vraiment génial. 1970, tiré de l'album All Things Must Pass, wow, sur RIG. All the things tiens, c'est au bout de je ne sais pas combien de centaines ou peut-être de milliers d'écoutes que j'entends un bruit là, peut-être dans le remaster, qui ressemble à une voiture qui s'en va dans Wawa, alors qu'il me semblait que je l'avais jamais entendu. Là, on a écouté vraiment jusqu'aux dernières notes de musique. Revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Abbey Road, sorti en 1969. Une chanson minimaliste. I want you, she's so heavy. Il ne dit presque rien. Mais pourtant, l'intérêt de la chanson n'est pas seulement le côté minimalisme des mots, c'est l'évolution musicale, le départ très très tranquille et l'évolution crescendo et hypnotique de la chanson et l'arrêt brutal à la fin. C'est fantastique, c'est l'une des plus belles chansons d'Abbey Road. J'adore. Voici I Want You See So Heavy, John Lennon et les Beatles sur RIG. course you never knew, oh dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. Côte à côte en 1969 sur Abbey Road, I Want You, c'est John Lennon avec les Beatles. Et en 1971, c'est Paul McCartney tout seul avec cette superbe chanson Dear Boy sur RIG. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. Bah oui, j'arrête pas de le dire. Nous sommes en 1980 sur le dernier album de John Lennon, Clean Up Time. The gods are in the heavens, angels clear as well. Oracles are spoken, we cast the perfect spell. The queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies. Absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Let it begin. Clean up time. Yeah. Clean up time. Center of the circle will always be our home. Yeah, yeah. se sentait bien à 40 ans, John Lennon, d'ailleurs c'est encore jeune, 40 ans, il pensait qu'il avait tout le temps devant lui, il l'a dit à un intervieweur en 1980, qui passait comme ça, on lui disait la sempiternelle question, est-ce que les Beatles vont se reformer? Et il répondait joyeusement, oui peut-être, c'est possible, tout est possible, on se sent bien, ça y est, c'est bien, les années 80 commencent, et peut-être qu'on travaillera ensemble à nouveau sur un album, peut-être ou pas, ou sur les albums des uns des autres, tout est possible. Et malheureusement, un abruti a fait que tout s'est arrêté. Can't catch me. George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Fasse d'abord un petit coucou à Julie Harrison qui est sur Facebook souvent et qui n'est pas là ce soir. Elle doit s'occuper de son fils qu'elle a appelé Harrison justement parce qu'elle aime George Harrison. C'est bien, elle a de bon goût. Et aussi un petit clin d'œil à la personne que j'aime moi et qui s'appelle Alexandra, qui n'écoute pas mais qui un jour saura que je lui dédie cette chanson Beautiful Girl pour elle. The sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be the sea in an octopus's garden in the shade. below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. En 1968, Ringo Starr claque la porte, dit j'en ai marre, allez, je suis pas content, j'en ai marre des Beatles, je me casse. Et il va faire un tour sur un bateau avec dans une mer calme, avec un capitaine qui lui parle des pieuvres et tout ça. Et puis ça donne cette chanson-là qui verra le jour en 1969 sur l'album Abbey Road, une bonne chanson de Ringo Starr. Et pour la petite histoire, lorsqu'il est revenu en 1968, Ringo Starr, dans le studio pour rejoindre ses copains. D'abord, il a été reçu avec des tonnes de fleurs partout sur sa batterie. Et surtout, il a dit par exemple à George Harrison, moi j'avais l'impression que j'étais de trop et que vous entendez bien. Et George Harrison disant, bah non, c'est moi qui avais l'impression que j'étais de trop et que vous entendez bien. Et en fait, les quatre pensaient la même chose les uns des autres. C'est assez drôle. Nous sommes à la 17e chanson, donc c'est le moment de faire la cover. Vous savez, la cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George ont chantée, ou même si les Beatles ont repris cette chanson, dans le cas par exemple de Little Richard ou de choses comme ça. Là, c'est une chanson que Paul McCartney a chantée en 2011 sur l'album Kisses on the Bottom, et je vous propose la version de 2012 de Jules Holland and Rummer sur l'album Jules Holland The Golden Age of Song. C'est beaucoup plus orchestré, on écoutera les deux l'un à la suite de l'autre. C'est Accentuate the Positive sur RG, version orchestrale d'abord, c'est très bien aussi. Accentuate the positive and illuminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. Our pandemonium's liable to walk up on the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said you got to accentuate the positive and illuminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. Yeah.

know. Buddha was dancing underneath the Bodhi tree. He was ready to cross over. He was ready. So I hold on, hold on. It's good that you believe, but it's better if you know. Don't hold on, hold on. Someone's there to catch you when you're ready to let go. I was sitting by the Ganges looking for another way. No matter what they say, Krishna was a good man. Why was he so blue? He was ready to cross over. He was ready. So I hold on, hold on. It's good that you believe, but it's better if you know. Countryside of Ringo Starr. Hein? Lovely Rita. Donc Ringo en 2008, sur l'album Liverpool 8. Et voici les Traveling Wilburys. Et évidemment, Monsieur George Harrison. Avec ce titre, Monsieur George Harrison et tout chanté Handle with Care. Je cherchais l'année, je crois que c'est 1988. C'est ça. J'aime cette chanson parce qu'on entend plus George Harrison. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And we'll be with her. Reputation's changeable. Situation's terrible. Baby, you're adorable, and don't even care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. And we'll be with her. Thank you. airports terrorized, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. And we'll meet with care. Un avant-dernier extrait de l'album de la semaine et après, on passe l'intégralité de la face B. C'est merveilleux. Here Comes the Sun sur RG. Allez, encore deux chansons avant le medley. Je je fais monter la pression. D'abord, Love is a Many Splendid Thing sur l'album Sentimental Journey en 1970 de Ringo Starr. Il était en avance puisque Paul McCartney, par exemple, attendra 2011 pour sortir un album de chansons anciennes comme ça. Rod Stewart a fait ça, plein d'autres aussi, comment il s'appelle, Robbie Williams a fait ça aussi, et plein d'autres aussi. Donc voici, il y aura ça, et il y aura Baby's Request, que j'aime écouter, et que je n'avais pas écouté depuis un moment. Et ensuite, la face B d'Abbey Road. Thank you.

investigation I break down. Out of college, money spent, see no future, pay no rent, all the money's gone, nowhere to go. Any jobber got the sack, Monday morning, turning back, yellow lorry slow. Smiles and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleepy darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Il n'est pas raisonnable pour une radio de rester aussi longtemps sans mettre un jingle de la radio, sans dire que vous êtes surérigé, etc. Mais là quand même, il fallait faire ça. Je ne pouvais quand même pas faire autrement. C'était pas raisonnable de vous passer seulement une partie du medley de ce fantastique album qui est l'album Abbey Road. Voici la fin de l'émission. Restez jusqu'après le générique, hein. On sait jamais. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four qui était la 242e. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Il me semble que je commence à la préparer et que c'est un live de John, Paul, Ringo et George. Il y aura des chansons mêlées des Beatles et des chansons post-Beatles, mais ce sera certainement quelque chose de pas mal du tout, j'espère. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. Bisous aux filles. Wayne, mon garçon, thanks for all for my US friends and British friend, and see you next time. Bye bye. Gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine.